C'est une pierre précieuse. Je suis comme l'oiseau machin, l'oiseau de paradis. Ben ici, il y a des jolis petits cailloux blancs. C'est une sorte de cailloux. Ça, c'est pas des cailloux autochtones, c'est des trucs rapportés. Quand ils sont mouillés, ils sont jolis, ils sont tout brillants. Et après, il y en a pas mal de trucs translucides. Une grande variété. Je suis spécialiste du caillou blanc, regarde, je te ramasse plein. Spécialiste. J'ai fait ça pendant des années. Ouais, quand je suis petite. Il me semble qu'il y avait un film avec une pierre blanche, voilà, d'une petite fille. Il avait trouvé une pierre très blanche. Quel petit pousset. Petit pousset, il sème des cailloux blancs. Ah. Non, mais je veux pas faire des cailloux. À la maison. Non. Oula, j'ai cassé. Regarde celle-ci. C'est marrant, on regarde pas les mêmes. Je suis terrible par les translucides. Regarde celle-ci. Les translucides. Mmh.